بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد من قبل كل شيء عفوا pour le retard on a dû déposer quelqu'un à la gare et donc on va voir ici ce qui a à voir avec l'allaitement ainsi que la grossesse l'allaitement et la grossesse pour la femme donc pendant les règles qui ont à voir pendant le mois du Ramadan. Donc, il est permis donc pour la femme qui est enceinte et qui est aussi donc qui allaite, donc de rompre le jeûne pendant le mois du Ramadan, de manger. Si donc elle voit qu'il y a ici une difficulté pour elle de jeûner, ou même si elles ont peur pour leur enfant. Donc ici il y a deux cas, il y a la personne et il y a le djanine, l'enfant. Donc des fois la personne elle peut très bien être en forme. Mais elle remarque que par exemple il y a un manque de lait ou des choses comme ça. Elle a peur que cela justement diminue en vérité les besoins naturels de l'enfant. Alors qu'elle, elle est en forme, elle peut. Il est clair que si elle est vraiment pas en forme, en ce moment-là, c'est encore plus appuyé. Donc ici, il y a deux cas. Il y a son cas elle et il y a le cas de l'enfant. Qu'il est possible qu'elle aurait peur justement par rapport à cela. Et en ce moment-là, bien sûr, il y a une différence par rapport à celle qui est enceinte et par rapport à celle qui allaite. Car celle qui est enceinte, donc ici, elle va nourrir. Donc ici, celle qui est enceinte, elle va récupérer son jeûne, tout simplement. Tandis que celle qui allaite, elle va non seulement récupérer son jeûne, mais aussi nourrir pour chaque jour manquant un pauvre. Il y a une différence entre les deux. Donc certains voient que, parce qu'ici on va trouver des paroles de savants qui vont dire qu'elle rattrape tout simplement par rapport au verset. Elle rattrape tout simplement par rapport au verset qu'il dit. Donc si vous êtes malade ou en voyage, donc on verrait récupérer un jour équivalent. Donc récupérer un jour équivalent. Donc il y en a qui reprennent le verset comme il est venu, ils vont dire que la personne en vérité elle devra jeûner. Donc tout simplement. Et d'autres vont dire qu'il suffit simplement de nourrir. Mais chez beaucoup de savants, ils disent que c'est nourrir tout simplement sans rien faire d'autre. Donc on a aussi plusieurs savants qui disent que c'est marjouh, c'est pas la parole la plus appropriée. Et d'autres vont faire le tafsir, ils vont faire en vérité ici la distinction entre celle qui est enceinte et celle qui allaite. Ils voient que c'est différent. Celle qui est enceinte, donc elle récupère, parce que là c'est vraiment un cas qui est plus prononcé, plus difficile en vérité que celle qui allaite. Celle qui allait, c'est plus facile. Pour elle, ce qu'elle va faire, donc elle va non seulement récupérer, mais en plus nourrir un pauvre par jour manquant. Et le repas, c'est le repas habituel dont les gens ont l'habitude de manger. C'est en vérité donc le repas habituel dont les gens ont l'habitude de manger. Et aussi, par rapport toujours, celle qui a peur pour elle ou celle qui a peur pour l'enfant. Donc des fois, ils deux cas toujours. Donc si la femme elle est forte et que elle non seulement elle est forte et elle a du lait malgré que elle jeûne, ça change rien pour sa situation. Donc en ce moment-là, il est obligatoire pour elle de jeûner, car elle est vraiment, il n'y a rien qui change pour sa situation. Jeûner ou pas, c'est vraiment du Ramadan ou pas pour elle. En réalité, ne change pas à sa situation. Elle est forte, elle a toujours cette vivacité. Donc elle a toujours cette diversité, elle peut continuer, elle doit jeûner obligatoirement. Parce qu'elle, elle n'a pas d'excuse. Parce que pour pouvoir délaisser un jeûne, il faut une excuse. Donc là, c'est la faiblesse. C'est pas donc l'allaitement lui-même, par exemple, ou bien la femme qui est enceinte, tout simplement, c'est pas une excuse en lui-même. Il faut qu'il y ait un tafsir. Il faut qu'il y ait en vérité quelque chose qui va amener à... Il faut qu'on voit la faiblesse. Donc il faut qu'on voit réellement ça atténue sa force. Sinon, donc deuxième cas, c'est si la femme, en vérité, n'est pas capable, de jeûner, car elle est fatiguée, elle est faible, ou autre. Donc en ce moment-là, bien sûr, elle va rompre le jeûne. Et si son cas est grave, donc il est obligatoire pour elle de jeûner. C'est pas juste de rompre le jeûne. C'est pas donc juste, elle peut rompre le jeûne. Si elle est vraiment malade, et que cela va vraiment faire du mal, il va lui faire du mal dans le sens où elle va, dans le sens où elle va donc tomber malade, ou c'est grave pour l'enfant, donc c'est une obligation pour elle, ça devient pur à ce moment-là, parce qu'il y a un darar, il y a un mal. Donc c'est une obligation pour elle de jeûner. C'est pas juste si elle veut, elle jeûne. Elle n'a pas le droit donc de se faire du mal. Voilà tout le coup, donc en vatin, ne vous faites pas du mal. En vatin, ne jetez pas vous-même donc dans le fait de périr, dans le fait envers de vous causer tort. Et donc lorsqu'elle va, donc elle va manger, donc elle va faire le fait, donc elle va manger donc normalement, il est obligatoire pour elle donc de récupérer. Dès que cette excuse disparaît, à partir du moment que l'excuse disparaît, donc elle est plus enceinte, donc dès qu'elle commence à avoir les forces, elle va récupérer. Donc elle va donc récupérer. Une fois qu'elle aura bien sûr été en état de pureté. C'est pas juste après l'accouchement. Une fois qu'aussi, parce qu'on sait que si elle a léché, elle ne peut pas en rester donc jeûner. Et mais des fois, on voit aussi que la femme, juste après l'accouchement, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va commencer à allaiter. Donc elle se retrouve ici, donc à l'allaitement maternel, dans un autre cas. Un autre cas. Donc, au début c'était l'accouchement, c'était la grossesse, et après il y aura donc des fois pour certaines femmes l'allaitement. Et spécialement, donc elle aura besoin de manger. Et spécialement si les jours ils sont longs. Si les jours ils sont longs, elle a besoin de cette nourriture pour pouvoir en vérité donc avoir ce lait nutritif pour l'enfant. Donc ce sera difficile à ce moment-là, elle aura besoin de manger, elle aura besoin de rompre le jeûne. Car elle n'arrive pas par exemple à avoir du lait pour l'enfant. Donc elle va, donc bien sûr, elle va donc quoi? Dans ce cas-là, elle va rompre le jeûne et elle va donc faire le qada. Donc elle va récupérer ce jeûne. Et elle va récupérer ce jeûne. Et certains savants disent par rapport à ça, donc c'est elle parce que c'est vraiment difficile pour elle. Elle ne le fait pas parce qu'elle a le choix. Le fait de, elle est un peu fatiguée. Et là, le fait de rompre le jeûne. Elle est un peu fatiguée. Là, le fait de rompre le jeûne, hein, qui va faire qu'elle peut le faire. Comme elle peut très bien continuer, elle va arrêter à jeûner. Elle a choisi. Donc là, comment est-ce qu'elle serait dans ça, le fait qu'elle a le choix, elle va non seulement récupérer ses jours, en plus, elle va jeûner, comme on l'a dit, par rapport au mordien, par rapport à l'allaitement. Non seulement elle va faire ça, mais en plus elle va aussi donner un repas par jour. Mais si c'était un jour qui était difficile pour elle, qui était vraiment difficile vis-à-vis de l'allaitement, donc à ce moment-là ça change. Pourtant on est toujours dans l'allaitement. Donc on voit que dans l'allaitement il y a deux cas. Si c'est vraiment difficile pour elle, donc qu'est-ce qu'elle va faire ici? Donc elle va tout simplement donc nourrir, hein, par exemple. Et donc elle va jeûner. Non, donc, et elle va aussi donc nous nourrir. Donc c'est la même chose en réalité, parce que c'est moi qui a mélangé entre deux cas. Elle reste, que ce soit difficile ou que ce soit pas difficile, en réalité, ça reste la même chose pour elle. Non seulement il est obligatoire pour elle de jeûner, et aussi de donner avec le qada, donc itam miskin. Elle devra quand même de toute façon donner de la nourriture, quoi qu'il en soit. Donc on voit que malgré qu'il y a plusieurs savants qui ont parlé par rapport à ça, ils restent donc ici en accord pour dire qu'en réalité la femme, si. Donc on voit que c'est différent. Si elle allaite, elle récupère le jour plus elle nourrit. Et si elle est enceinte, donc si c'était dans de la grossesse, elle récupère le jour sans nourrir. C'est là la différence en vérité entre les deux. C'est là la différence entre les deux. Donc la femme qui a peur, bien sûr, pour elle ou pour son enfant. Donc pendant le mois du Ramadan, elle va donc rompre le jeûne et elle va récupérer du consit, donc comme on a vu ici, hein, et le qada. Que ce soit donc ils disent, certains ne voient pas la différence ici. Donc par exemple, on va trouver des fois des gens qui vont dire il n'y a pas de, il y a le qada même pour la femme enceinte. Donc on retrouve ici Donc le khilaf, mais on voit qu'en vérité, il y a plus de savants qui ont dit qu'en vérité que s'il suffit en vérité de récupérer le jour sans faire le qada pour celle qui est enceinte. Celle en réalité qui est enceinte par rapport au verset. Donc وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Donc il y avait une femme ici qui était enceinte. La question c'est qu'une femme était enceinte. Donc elle a eu donc une nazif. Une nazif, donc c'est le sang qui coule. Hein, donc pendant donc, le 20 du Ramadan. Et elle, donc, elle a ni mangé, ni elle a bu. Donc la akat ou la sharab, yani sa'ima ou aftart. Donc elle a mangé pendant 4 jours, alors qu'elle était à l'hôpital. Et après le mois de Ramadan, elle a récupéré donc ce qu'elle avait jeûné. Est-ce que son jeûne ici, donc est-ce qu'elle doit. Donc elle est encore, donc l'enfant il est toujours accouché dans son ventre, comment elle doit faire. Donc ici, elle dit que donc la réponse est que le fait qu'elle jeûne, parce que papa est capable de jeûner elle, malgré qu'elle a raté ces jours-là, le fait de jeûner, donc elle va récupérer ces jours-là. Et même si le sang coule, nazif, ce qu'on appelle le nazif, alors qu'elle est enceinte, et elle a du sang qui coule pendant qu'elle est enceinte, elle continue à jeûner. Elle continue à jeûner, parce que c'est considéré comme l'istihada, c'est du mauvais sang. Et ce n'est pas un sang qui annule avec le fait de justement avoir le fait d'arrêter. Et on voit que des fois, il y a des gens qui ont ça pendant qu'ils sont enceintes des femmes. Elles ont du sang, mais ça c'est pas l'impureté dans le sens où ça lui interdit de prier ou ça lui interdit de jeûner. Elle va quand même prier, elle va quand même jeûner. Le jeûne, il est valable. Et elle récupérera tout simplement ici, donc, récupérer les jours où elle est à l'hôpital. Alors à ce moment-là, le fait qu'elle est à l'hôpital, elle n'a qu'à récupérer les jours. Parce qu'elle a dû manger, elle n'a pas de récupération, plus en même temps le qada, c'est-à-dire le kitram miskin. Elle ne doit pas nourrir qui que ce soit. Donc toujours la même chose, hein, que dem. Parce que il faut se mettre question que c'est une règle justement pour la femme qui est enceinte. La règle, c'est que lorsque la femme est enceinte, ce n'est pas ses menstrues qui viennent. C'est du sang qui est mauvais. Donc à ce moment-là, donc le sang qui survient alors que la femme est enceinte, en ce moment-là, elle doit jeûner. Ça, c'est une règle. Il faut dire que c'est connu que le sang, hein, donc c'est pas pour la femme enceinte. Le sang des menstrues, c'est pas pour la femme enceinte. Quoi qu'il en soit, elle doit jeûner. Quoi qu'il en soit, elle doit jeûner. Donc c'est souvent des questions qui reviennent. Le fait que c'est beaucoup de questions-réponses, c'est souvent des questions qui reviennent par rapport au même cas. Il y a ça. Donc aussi, la question c'est donc depuis 3 ans. Donc mon épouse accouche donc au début du mois du Ramadan, El Moubarak. 3 ans de suite, donc elle a eu donc 3 accouchements. Donc, et elle n'a pas jeûné pendant 3 mois. Comment doit-elle faire ? Donc pendant 3 heures de suite, elle a couché, donc début du Ramadan. Donc elle n'a jamais pu pendant 3 ans de suite jeûner le mois du Ramadan. Donc la réponse c'est qu'elle doit donc rattraper le plus vite possible. Hein? Donc en jeûnant le mois du Ramadan, c'est-à-dire qu'avec le. Donc elle doit rattraper le plus vite possible. Le fait qu'elle a, donc elle avait déjà accouché. Et après, donc elle doit récupérer son jeûne. Elle va récupérer son jeûne. Et ici, elle va aussi donc nourrir. Elle va nourrir ici un miskin pour donc aussi pour chaque jour manquant. Donc après, elle donne une mirdal, hein, c'est la moitié d'un sar. Donc en réalité, c'est un repas tout simplement. Un repas moyen dont on a l'habitude de manger nous. Et vis-à-vis du qada toujours. Comment elle rattrape la femme? On sait qu'il y a certains savants qui disent qu'elle doit rattraper, donc obligatoirement avec par exemple tout de suite, c'est-à-dire avant l'année d'après. Avant l'année d'après. Ils disent que si elle ne rattrape avant l'année d'après, elle doit faire tauba, rattraper quand même et nourrir du fait que, pour expier le fait qu'elle n'a pas rattrapé avant le ramadan d'après. Mais en réalité, on ne trouve pas de preuve par rapport à ça. Par rapport au qaza, il n'y a pas de délit comme quoi que c'est obligé avant l'année d'après. Il n'y a aucune preuve par rapport à cela. C'est qu'un ijtihad par rapport, par rapport au savant. C'est ijtihad de l'ulama. Et Allahu a'lam, en réalité, c'est que c'est l'amr il est ouvert. Amr maftouh. L'amr maftouh. Même si tu le fais plus tard, et même si tu as fait shawal avant. C'est permis de faire shawal. Donc certains ils vont dire qu'il faut faire passer le fard avant la sunna. Dans le sens où tu vas faire d'abord, tu vas attraper tes jours et après tu vas faire shawal. Mais si la femme elle avait beaucoup, hein, imaginez-vous 26 jours, 27 jours, et comment elle va faire pour ces jours, ces 6 jours de shawal? Elle ne pourra pas les faire. Elle peut les faire. Et la preuve, c'est que Aïcha, radiallahu anha, elle laissait, donc elle laissait ses jours de rattrapage et elle les laissait dans le dernier mois, le mois de Sha'ban. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam beaucoup pendant ce mois-ci. Afin que pendant toute l'année, elle soit libre pour son mari. Elle faisait comme ça Aïcha. Donc elle délaissait, elle récupérait fi Sha'ban. Donc si elle récupère fi Sha'ban, juste avant le mois du ramadan d'avant, on comprend que les mois de Sha'ban et les 6 jours de Sha'ban, on est même sûr et certain qu'elle les faisait. Donc elle les a fait après les 6 jours de Sha'ban. Donc ça c'est une preuve comme quoi en vérité, tu peux faire le fard après le Sha'ban. Tu peux en vérité faire le fard après le Sha'ban, l'âme il est meuf toi. C'est en vérité, donc c'est pas délimité. Tu peux le faire. Mais certains savants, c'est clair qu'ils vont dire que le fard il passe avant la sunna. Mais là on voit directement dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a Aïcha avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'âme il est clair. Il devient clair. Donc là, par rapport au Mourdien, là maintenant on va voir un peu des règles générales. Toujours par rapport à celui qui pose la question, qui dit j'ai vu quelqu'un manger pendant le mois du Ramadan à Mecca. Pendant le mois du Ramadan, j'ai vu quelqu'un manger à Mecca. Donc la réponse est que le fait de voir quelqu'un manger à Mecca n'est pas étonnant. C'est du fait que c'est connu qu'à Mecca, les gens ils viennent de partout. Il est possible que la personne vient d'arriver en voyage de voyage, et donc elle a. Ce jour-là, donc elle a mangé. Elle est peut-être venue de très loin. Généralement, les gens qui à Mecca, ce n'est pas des gens qui vivent, surtout spécialement quand c'est fin Ramadan. Les gens viennent du monde entier. Donc il est peut-être venu de très loin, et lui, en vérité, l'a rempli le jeûne pour son voyage, donc il a mangé à Mecca. Donc c'est pas en vérité étonnant. Il vient d'arriver. Hein? Ou bien, c'est le jour où il va repartir chez lui. Alors il a besoin d'avoir des forces. Alors il a mangé. C'est parce que c'est le jour où il vient d'arriver par exemple. Et en plus après ça, il va faire la omra. Non seulement il arrive, il fait la omra. Donc il a besoin de force, il a mangé. Ou le contraire, il va aussi voyager. C'est le jour où il va partir. Le voyage, des fois, il peut être très difficile. Donc lui, après, il a le droit de jeûner. Il a le droit de jeûner. Hein? Hein? Il doit plutôt rompre à foin. Il ne doit pas jeûner. Donc il peut rompre à quel. À ce moment-là, il va rompre. Donc c'est lui est permis. Nabi Sam, donc celui aussi, donc lorsqu'il a ouvert Mecca, donc l'an 8 de l'Hijra, hein, le jour 20 du Ramadan, donc on voit que comment il a fait. Et il a resté donc le reste des 10 derniers jours pendant le mois du Ramadan, il n'a pas jeûné. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lorsqu'il a fait donc Fath Mecca, il est resté pendant, donc il n'a pas jeûné dans l'an 8, parce qu'il était en voyage. Il n'a pas jeûné ici à Mecca. Et aussi, toujours, dans un hadith rapporté par le Bukhari ou Ibn Abbas, radhiyallahu anhu, wa huwa qad baqiya fi Mecca 19 yawman yuqsar 19 minha fi Ramadan wa 9 fi Shawwal. Donc il a vu comment il aussi, il était resté à Mecca. Donc il a, non seulement, il a fait le voyageur, dans le sens où la prière. Donc il a, comment il a fait Ibn Abbas, donc il est resté donc ici. Donc 19 jours, hein, 19 jours, où il a rompu, donc il a en vérité raccourci ses prières, donc 10 pendant le Ramadan et 9 pendant le mois de Shawwal. C'est pour ça que l'homme, celui qui viendra jeûner par exemple à Mecca, c'est pas quelque chose qui serait étonnant. Les gens pensent que si dès qu'il arrive à Mecca, il est obligé en vérité de rompre le jeûne. C'est une obligation pour lui. Si en vérité il en voyage et que c'est difficile pour lui, même si c'était Ramadan, il a le droit à Kul Hel de jeûner. On ne peut pas interdire. On ne peut pas lui dire. Il a le droit de rompre le jeûne. Il a le droit de, hein, de plutôt de ne pas jeûner. De ne pas jeûner. Une personne aussi qui a donc même chose, donc qui était en vérité, c'était pendant le Ramadan, il faisait très très chaud. Parce qu'il était militaire, et c'était lui qui devait donc surveiller. Il était de garde. Donc bien sûr, donc, ils sont partis d'une ville à une autre en voyage. Et bien sûr, donc ils étaient en train de jeûner. Donc c'était des militaires musulmans. Donc il a dû surveiller. Pendant leur dhuhr, quelques heures, c'est lui qui devait surveiller. Donc il avait très très très soif et il a bu. Donc la réponse, elle est que si par exemple le cas est comme il a été cité, en ce moment-là la personne elle peut. Donc parce que c'était trop difficile pour elle. Il faisait très chaud, donc militaires, ils ont voyagé non seulement, ils ont fait quand même plusieurs centaines de kilomètres, et après, donc après ben, ils surveillent un peu le matériel qu'ils ont autour d'eux, et lui s'est retrouvé de garde en pleine chaleur. Imaginez pour le soleil en plein été, dans les pays comme l'Arabie, c'est pas facile. Donc il lui dit si le cas est comme il a été cité, donc à ce moment-là, tu peux, donc qu'est-ce qu'il a fait? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu. Mais il a quand même continué à jeûner. Il a bu tout simplement. Mais après, il n'a pas dit j'ai bu, alors je commence à manger. C'est juste parce qu'il avait très très soif. Donc si le cas est cité, il n'y a pas de. Donc il a pas. Il est excusé, il récupère à son jour. Mais il a bien fait de continuer son jeûne malgré cela. Il a bu tout simplement parce que c'était la soif qui avait besoin, c'était pas la faim. Le problème n'était pas par rapport à la nourriture. Donc il dit que c'est bien, et simplement il devra récupérer le jour qu'il a fait, parce que ça c'est une excuse. C'est une excuse. Tout simplement. Donc ça c'est aussi parmi les fêtoirs de façon générale. Si ça arrive à quelqu'un qui se retrouverait dans un travail, dans un chantier justement difficile ou qui avait ça, donc il pourrait faire ça. Mais ce qui compte c'est que lui il récupère. Parce que toujours Allah Azza wa Jalla ne veut pas de nous qu'on se fasse du mal, qu'on fasse en vérité, qu'on se détruise, ou qu'on se détériore. Et aussi, quel est le statut d'une personne qui aurait 15 ans, donc lui il a déjà l'âge, et il dit qu'il est fatigué, très fatigué, il n'est pas capable en vérité de continuer son jeûne, de le compléter jusqu'à la fin de la journée. Et s'il mange, donc comment qu'il doit faire, hein, comment en vérité il doit faire? Donc à l'origine, bien sûr, c'est interdit donc de rompre le jeûne pendant la journée du Ramadan pour celui qui est obligatoire de jeûner. Donc celui qui est obligatoire de jeûner, donc il est musulman, il a la raison, il est pubère et il est donc résident, donc sédentaire, et il est en bonne santé. Et si c'est le jeûne est difficile pour lui, très difficile pour lui, et il a besoin obligatoirement de manger, donc il faut qu'il y ait une darura, il faut qu'en vérité qu'il mange. Donc en vérité, donc on prend ce cas comme un peu le cas de lui qui doit manger obligatoirement, de celui qui doit manger obligatoirement, s'il trouvait donc de la nourriture, une bête morte. Mais il faut qu'il mange, sinon il risquerait donc de mourir de faim. Donc il faut un cas en vérité extrême. Donc lui, il lui permet à Kouhel de manger juste. Même pour le jeune rein, parce qu'il est faible. Juste de quoi on va être reprendre ses forces. Mais il ne va pas rompre le jeûne, c'est-à-dire toute la journée. Mais après, il devra quand même récupérer son jour. Il prend juste le cas. Comme on l'a vu avec la boisson, comme on l'a vu avec celui qui a bu. Le même principe qu'avec celui qui a bu. Lui, il y a trop de faiblesse. Il n'arrive pas en vérité à jeûner ce jour-là. Donc de façon générale, il est en forme. Mais ce jour-là, c'était trop difficile pour lui. Il y a eu un cas, parce qu'on voit qu'il y a encore il jeûne, c'est ses débuts. Donc il a besoin par exemple de ça parce que c'était. Donc il faut un cas extrême. Il a trop besoin de manger. Il va manger juste du coup en vérité, récupérer ses forces. Il va continuer à jeûner, mais ce jour-là, il devra le récupérer. Mais ce jeûne-là, qu'est-ce qu'il devra faire? Donc il devra récupérer. Et là, ils disent aussi que non seulement il récupère, mais en plus il nourrit. Il nourrit quoi? Donc un pauvre par. Donc on voit ici, il va nourrir un pauvre donc par jour manquant. Il va quand même nourrir. Un pauvre par jour manquant. Pourtant, lorsqu'on voit dans notre fêtoir, il n'y a pas ici le fait de nourrir pour le militaire. Parce que lui, après, il est en voyage. Hein, tout ce qu'il voulait, déjà en 21, il pouvait en vérité même arrêter. Mais il avait continué. Et le fait que lui a, en vérité, donc il a continué, donc ils l'ont laissé comme ça. Ils l'ont laissé comme ça, c'est-à-dire que, parce qu'il avait le choix, il pouvait choisir. Très bien, il pouvait s'arrêter de jeûner. Très bien, il pouvait en vérité continuer, mais comme il a continué, il a fait ça. Il a déjà fait l'acte. Et ça, après, il a posé la question. Donc ils ont dit, ce que tu as fait, c'est bien. Parce que lui a dit, j'ai bu, j'ai continué de jeûner, et après, plus tard, j'ai rattrapé. Donc il a pu expliquer qu'après avoir, mais il veut être sûr que ce qu'il a fait, c'est bien. Donc il a dit, ce que tu as fait, c'est bien, tu restes comme ça. Tu continues comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à changer. Ici, donc un homme, aussi, il a jeûné pendant le mois du Ramadan. Donc il a rompu 15 jours. Hein, 15 jours. Donc il a jeûné la moitié, il a rompu l'autre jour. Et son excuse, c'est que lui, c'est un berger. Donc c'est son travail. En réalité, donc il surveille les moutons, c'est-à-dire encore moyennant salaire. Et il a posé la question à un homme qui se prétend être un talib ilm, donc un étudiant en religion. Et cet homme-là lui a fait la fête en disant que tu vas quoi? Tu vas en vérité donc, faire la sadaqa pour chaque jour manquant, donc d'un quart de dinar. Il a dit ça. Donc parce qu'il a pris donc, le verset, wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ceux qui sont capables, donc qui en vérité qui donnent en expiation donc la nourriture d'un pauvre. Donc la question c'est premièrement. Donc, la réponse ici, c'est premièrement, il est interdit pour celui qui donc est hébergé, donc de rompre le jeûne, que si c'est vraiment un cas extrême. Toujours on voit quand le cas extrême, c'est permis. Donc à ce moment-là, il va juste manger ou boire, par exemple, ceux qui vont en vérité faire disparaître justement cette difficulté. Il était dans un cas de difficulté extrême, il va enlever cette difficulté, tout simplement. Mais pas plus que cela. Puis après, il récupère, il continue à jeûner le reste du jour. Et bien sûr, il va rattraper ce jour plus tard. Il va rattraper ce jour plus tard. Deuxièmement, celui donc, qui a dit, c'est-à-dire celui qui a répondu à cette question, que la personne en vérité doit donner un quart de dinar en tant qu'expiation par jour, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il est obligatoire après elle pour lui de jeûner. Il est obligatoire pour lui de récupérer donc, ce jeûne-là. Il doit faire un qada. Il va en vérité récupérer ce jeûne. Et après, bien sûr, donc, il donne le verset hein, dans le surat al-Baqara. « Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu, wa an tasumu khayrun lakum, in kuntum ta'lamun. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه. Donc il mentionne ici le verset, le fait de récupérer. Donc on va dire d'atum in ayam in okha. Celui qui est malade ou en voyage, donc il récupère. Et celui qui est en état de difficulté, donc il a le même statut que celui qui a le comme s'il était malade et comme s'il était en voyage. La maladie, donc ça te rend faible. Le voyage, ça te rend faible. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il avait vraiment faim, vraiment soif, ça l'affaiblit. Donc, c'est le même hukm. Le fait qu'il y a la même illa, le fait qu'il y a les mêmes excuses, il y aura automatiquement un seul hukm. En islam, c'est ça les règles religieuses, c'est que si c'est les mêmes excuses, le jugement, il est pareil. Il ne peut pas en vérité avoir des jugements différents pour la même excuse. Donc la faiblesse par rapport au voyage, la faiblesse par rapport à la maladie, et la faiblesse par rapport justement à cette grande soif ou cette grande faim. Donc, où c'est vraiment des cas extrêmes. La question aussi, c'est donc je suis un militaire, et le mois du Ramadan donc est venu. Est-ce qu'il m'est permis de rompre le jeûne, tout en sachant que donc la situation fait que je n'arriverai pas donc à jeûner. Donc la réponse est, il est interdit pour toi donc de rompre le jeûne pendant le mois du Ramadan alors que tu es obligat... donc il était obligé de jeûner. Sauf si tu es en voyage ou si tu es malade. Donc une maladie en vérité qui donc que si tu vas jeûner donc ça va pas arranger cette maladie là. Car Allah dit donc celui qui est malade ou en voyage donc il récupère donc des jours équivalents. Et aussi Allah dit donc par rapport à pour ceux qui sont malades ou en voyage, donc donc Allah n'a pas en vérité rendu de difficultés pour vous dans la religion. Donc en vérité, par rapport à cela, donc lui il voit qu'il doit donc il doit jeûner. Si tant que il n'y a pas des excuses qu'ils font, c'est pas le fait de dire parce que je travaille, ça c'est pas suffisant. Est-ce que ce travail c'est quelque chose qui va amener une difficulté ou pas? Est-ce que ce travail c'est quelque chose qui va amener justement une grande difficulté ou pas? Sinon, comme ça, sans raison, non. Et si donc quelqu'un a entendu donc un imam dans une mosquée, donc un khatib, et qui a dit donc le deuxième vendredi de la khutba du mois du Ramadan, il a permis donc de rompre le jeûne pour ceux qui travaillent, et que son travail est difficile. Et qu'en vérité, il n'a que pas d'autre façon de gagner de l'argent que celui-ci. Donc il devra nourrir un pauvre pour chaque jour pendant le mois du Ramadan, tout simplement. Donc même si c'est de l'argent, le fait de donner, on va dire donc 15 dirhams. Le fait de donner donc ici 15 dirhams. Il dit ça, il dit que voilà, est-ce que cela est vrai? Donc la réponse est, il est interdit pour celui qui en est capable, hein, celui qui doit jeûner, de rompre le jeûne pendant le jour du Ramadan, rien que par excuse du fait qu'il travaille. Mais si réellement ce travail est très difficile pour lui, donc il n'arrive pas, il lui demande donc obligatoirement, on va dire l'iftar, pendant la journée, donc à ce moment-là, il peut faire l'iftar. Et bien sûr, c'est-à-dire il va manger donc toujours par rapport au même cas. Il va juste manger de quoi en vérité repousser la difficulté. Juste pour avoir les forces pour continuer sa journée de travail. Hein, et il retient son jeûne et il mange au mourou, mais simplement, bien sûr, il devra donc récupérer son jeûne. Mais ce qu'a dit lui-même ici, c'est pas vrai. Le fait de dire, vous avez le droit de jeûner, vous avez qu'à donner 15 dirhams ou 15 rials ou 15 euros comme tu veux. Donc le fait de dire que tu rends jeûne mais tu payes. Ça, à Kulakhel, ce n'est pas vrai. Il y a une question aussi par rapport à. Donc on peut en profiter. Il y a une personne qui n'arrive pas à jeûner. Donc l'année passée, déjà, il y a un an, on lui a déjà dit, paye pour l'année prochaine. Donne l'argent pour l'année prochaine. Personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. Pourquoi l'année prochaine? Alors, pourquoi pas aussi pendant 150 ans? Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Pourquoi l'année prochaine? Vous voyez, nous on dit donc paye, c'est-à-dire le fait que tu ne pourras pas jeûner l'année prochaine, paye déjà à l'avance. Paye un an à l'avance. Et si la personne venait à mourir, n'importe quand, avant Ramadan, et même pendant le mois du Ramadan, elle a payé un mois, et elle est morte le 3, le 4, le 5 du Ramadan, ça fait la payer 25 jours dans le vide. Et depuis quand on fait payer les gens à l'avance? Ça n'a jamais existé. On paye d'un acte, après un acte, qu'on fait, on paye par l'avance. Vous voyez comment des fois des gens disent paye. Ils veulent en vérité, malheureusement, prendre l'argent des gens, c'est tout. Tout de suite paye. Parce que pourquoi il a dit tout de suite paye? C'est parce que ça se voit qu'il veut ses sous. Je vois pas autre chose. Pourquoi il veut les sous? Pourquoi il dit les sous? Alors qu'à l'origine, il doit nourrir un pauvre. Parce que si tu payes, et que là, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Il va payer, si maintenant il y a une association ou je ne sais pas ce qu'il a, il va payer les lumières. Là, ça c'est itam miskin. Allah il a dit itam miskin. Donc il faut nourrir un pauvre. Et c'est pas en donnant l'argent à quelqu'un, c'est pas il va tâcher une ceinture avec. Hein, il va s'acheter des lacets. On mange pas les lacets, on mange pas la ceinture. Donc on voit qu'il y a un problème ici. Et ce musulman, il doit arrêter de respecter ce que Allah a ordonné. Il a ordonné itam miskin. Donc le mieux pour le musulman, lorsqu'il ne sait pas comment faire, il achète de la nourriture et il le donne lui-même aux pauvres. Comme ça, moi, il est sûr. Il vaut mieux rester avec ce que Allah a ordonné que dire, même si certains disent on peut donner de l'argent. Mais est-ce que tu es sûr que cet argent va être transformé en nourriture? Si les gens sont de confiance, et que c'est sûr qu'ils vont donner la nourriture, simplement, là, c'est pas un problème. Donner de l'argent, il va s'occuper de ça. Ça sera quoi? Taoukil. Ça sera le fait qu'en vérité, tu l'as légué. et tu lui dis crains Allah et quoi et donne de la nourriture. Tu vas lui dire donc achète de la nourriture réellement. Tu as confiance en lui, mais tu lui donnes l'argent et tu lui dis ça. Tu n'oublies pas que c'est de la nourriture. C'est pas pour faire autre chose. Tu vas pencher la peinture pour peindre des murs ou quoi que ce soit. Non. C'est en réalité pour nourrir hein, justement le peuple, parce que c'est ça. Alors que dire de ceux qui disent donner l'argent déjà longtemps à l'avance. Pourquoi il devrait payer quelque chose dont il n'est pas sûr de, hein, d'être encore vivant en ce moment-là. Vous voyez ? Donc ici, une question importante aussi. Est-ce qu'on peut faire l'analogie, la qiyas, c'est-à-dire qu'on fait une analogie avec celle qui est enceinte et qu'elle a peur pour son enfant, c'est-à-dire de la même chose que celui en vérité qui voudrait donc manger afin d'aider à l'autre dans le sens d'une qadrerie. Donc naam, c'est-à-dire qu'en vérité, si on doit le faire manger quelqu'un pour pas qu'il tombe, on le voit très faible, il est peut-être... Donc il s'évanouit, ou quoi que ce soit, on le voit très faible pendant le mois du ramadan, lui on va le faire manger, on va lui donner quelque chose à boire par exemple, on va lui faire donner quelque chose, afin de quoi? De justement d'être sûr que ça sera mieux, qu'il ira mieux, et de le faire manger parce qu'on le voit trop faible, qu'il va manger. Donc c'est le même en vérité, un qiyas. On a toujours dit que tout à l'heure, le fait qu'il y a une illa, le fait qu'il y a une raison, la raison c'était de la faiblesse, et la raison aussi c'est qu'on voit que la personne est vraiment faible, donc on peut pas en vérité dissocier. N'importe quel cas. Si vous voyez que la raison de la faiblesse et que vraiment on voit que c'est un cas extrême, en ce moment-là, le hukm reste pareil. Le jugement il va rester pareil. Donc le qiyas il est permis. Ici c'est ce qu'on appelle le qiyas, donc l'analogie. L'analogie qui reste pareil. ici barakallahu fikum subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk jazakumullahu khairan al masjid ala